Tous des putes sans mascara. Tous des putes sans mascara. Tous des putes sans mascara. Tous des putes sans mascara. Tous des putes. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Personne nous personne, j'ai besoin de personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Personne nous personne, j'ai besoin de personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Personne nous personne, j'ai besoin de personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Flashback sur les choses qui font combattre, mec. Dans les coulisses d'un monde qui pleure à sec. Parlez-moi d'ailleurs, car faire assez de voir des gens sous terre, assez de voir devant les gens leur plaire assez, mais le reste l'ignorer. La vie nous demande de plaire, plaire, être la face, pas le revers, vert. Mini-jupe dégradante, décolleté, persigne au ventre. Oh mon dieu, regarde les mecs, arrête pas de me mater. Tu m'étonnes, t'as qu'à pas jouer ta taspé. Le regard des gens m'inspire, y'a pas pire que de les voir crier, critiquer. Tenir les listes qui brassent de l'air, ça, ça craint, y'a pas à faire. Y'a les mecs, Lascar, fut auteur, trois quarts. Y'a les mecs, Atello, Jean Sam, Tipolo. Y'a les mecs, blindés, fut à pince, Dolce. Y'a les mecs pauvres, ces différences font de nous ce que l'on est. Fils de pute, plaire à moi-même, tel est mon but, but. Dans poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Personne nous personne, j'ai besoin de personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Personne nous personne, j'ai besoin de personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. L'enfer c'est les autres comme dirait Sartre. Eh bah il a raison, la vie est un verre d'eau dans lequel le traître te met du poison. Connais-tu l'espèce humaine? En permanence les jaloux bavent, ça dissimule sa haine, alors qu'en apparence ça joue les braves. Moi je veux mieux que personne, j'ai mes forces et mes coups de faiblesse. Je veux pas finir comme Ayrton, mort de la faute d'une caisse maîtresse. Depuis le début j'ai changé, mais dans le fond je suis resté le même. J'ai compris qu'il y avait danger quand on se pense au-dessus des terres, mais que ton air supérieur n'est proportionnel qu'à ton ignorance. Tu captes hyper con quand il te propose son aide et qu'il commence. Ne jamais juger, comme ne jamais dire jamais, c'est quand on a une grande gueule qu'il faut savoir que les plus malins ne parlent pas. Tu veux devenir quelqu'un, mais à la fin t'auras des biens palpables et sans rien pour le cœur. Oui, face au diable il n'y a pas de vainqueur, que des vaincus d'avance. Combien te reste-t-il copain d'avant? T'atteignes la vingtaine, le cas de haut de vice carpe diem. Dans poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Personne nous personne, j'ai besoin de personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Personne nous personne, j'ai besoin de personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Personne nous personne, j'ai besoin de personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne. Personne nous personne, j'ai besoin de personne. En poche à Spicy Wesson, ton diplômé de Preston. Personne nous personne, vaut mieux que personne.